Voici d'abord l'intégralité de la sourate 112. L'unité d'Allah, donnée à la Mecque, 4 versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, Allah, le très miséricordieux. Dit, Allah est un, c'est le Dieu éternel. Il n'a point enfanté et n'a point été enfanté. Il n'a point d'égal. C'est Allah qui vous a donné la terre pour lit et élevé la voûte des cieux pour abri. C'est lui qui fait descendre l'eau des cieux, qui par elle fait germer les fruits destinés à vous nourrir. Ne donnez point d'associer à Allah, vous le savez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Cette œuvre terminée, il se porta vers le ciel et en forma 7 cieux, lui qui s'entend en toutes choses. À Allah appartiennent le levant et le couchant. De quel côté que vous vous tourniez, vous rencontrerez sa face. Allah est immense et il sait tout. Allah, il n'y a point d'autre Dieu que lui, le vivant. Rien de ce qui est dans les cieux et sur la terre ne lui est caché. C'est lui qui vous forme comme il lui plaît dans le sein de vos mères. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il est puissant et sage. Celui qu'Allah dirige est bien dirigé, et celui qui l'égare est perdu. Ils disent, Allah a un fils. Loin de sa gloire se blasphème. Il se suffit à lui-même. Créateur du ciel et de la terre, comment aurait-il des enfants, lui qui n'a point de compagne, qui a créé toutes choses et qui connaît toutes choses?